Thank you.

Thank you.

Thank you. Thank you. je chante un peu faux là. Y'a un problème. Je chante un peu faux. C'est pas normal. J'ai un problème, non, je suis pas en congé. J'ai un problème de voix. C'est mauvais de chanter faux. Je chante faux, tu vois. Je chante faux, je chante plus faux. J'aimerais bien chanter juste. Oh, j'aimerais bien aller faire du ski. Enfin, plutôt du snowscoot. Mais chez moi, y a pas de neige. Du moins, pas encore. Je n'ai pas fait de VTT. Je me suis couché cette année. Parce que je me suis cassé le poignet. Prépare-moi du cacao avec du lait. Ça fera du lait chocolaté. Oh, c'est beau ce que je chante. Oh oui. Je t'entends. que tu as trouvé Philippe. Mon appareil mixe du la dièse. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Harmonique et merci. La la la la la. La la la. Pour un choix entre harmonique, mineur, symbole, chromatique. Ça m'arrête sur la même note. Ça me, ça me. Ça me reste sur la même note. Et je rajoute des notes. Je rajoute des notes. C'est vraiment nul autotune. Il manque des notes dans mon autotune. C'est quoi comme gamme? Je suis un peu molle. ça va. Oui, ça va bien, moi. Yeah, yeah. Des fois, j'entends ouais, des voitures passer dans la rue avec les sons à fond. Cyril. Thank you. Judy Nine. Judy Nine. Shooty nine, nine, nine, nine. Shooty nine. Shooty nine. Bon allez, je vous arrête de vous emmerder. Bye, bye, bye.